Aujourd'hui, on débrief les championnats du monde. On a forcément mangé du bad pendant une semaine et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire des favoris, beaucoup sur les Français aussi. On va faire ça tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that! Salut Benoît, content de te retrouver, comment vas-tu? Salut Ewan, bonjour à tous, bah écoute, très très bien et toi? Ça va bien, est-ce que t'as passé de bonnes vacances? Excellente, pas beaucoup de bad jusqu'aux mondiaux, mais écoute, ça fait pas de mal de couper. Bah voilà, et là tu nous reviens en forme et j'imagine que comme moi Benoît t'as vu pas mal de matchs cette semaine. On va pas vous mentir, il y a des tournois, des fois on les débrief, on n'a pas toujours vu beaucoup de matchs. Là pour le coup j'imagine que comme moi t'en as vu beaucoup, on en a parlé toute la semaine, donc on est remonté à bloc là. Ouais, carrément, on a mangé, on a dormi, on a bu bad parce qu'on disait on le disait en off il y a quelques secondes, mais il y avait aussi les championnats d'Europe junior en même temps, donc du bad il y en a eu cette semaine et il y avait de quoi en regarder si vous vouliez vraiment regarder du bad. Voilà, bah tu dis on a dormi bad mais on a surtout pas dormi en fait du coup, mais voilà, merci le décalage horaire, mais j'ai envie de dire on s'est sacrifié pour vous les auditeurs, c'est faux, mais en tout cas on va en parler tout de suite et on va faire comme d'habitude, on va pas changer de formule, on va faire dans l'ordre des finales, donc d'abord les finales et ensuite ce qui s'est passé dans le tableau, et on commence donc avec le double homme. Benoît, je vais pas te mentir, celle-là elle m'a mis de mauvaise humeur direct. La défaite de Hassan Setiawan, les Indonésiens, contre Chia So, les Malaisiens. Beaucoup de choses à dire sur ce que ça représente, à la fois ce que ça aurait pu représenter, ce que ça représente pour les Indonésiens et ce que cette victoire représente sur les Malaisiens. Mais d'abord, sur le match, est-ce que elle te semble logique, cette victoire 21-19, 21-14? Sur le match, je sais. En fait, c'est difficile de dire. À partir du moment où ce premier set a été perdu par Hassan Setiawan, on en parlait tous les deux, et que les Malaisiens ont trouvé vraiment une tactique, à mon avis, imparable. Oui, ça me semble logique sur le match. Voilà, clairement, oui. Moi aussi. Pour moi, c'est une victoire indonésienne de Hassan Setiawan. Ça passait forcément par une victoire au premier set. Je pensais ça avant le match et je l'ai pensé encore plus dans le match. Les Indonésiens menaient 18-12 quand Hassan se fait siffler une faute de service. Derrière, ils se font remonter. Les Malaisiens le prennent et on a senti que il y avait à la fois psychologiquement et comme tu l'as dit techniquement, les Malaisiens ont pris l'avantage parce qu'en fait, dans le jeu à plat, ils étaient totalement dominés. Parce que les Indonésiens étaient pas plus rapides mais plus malins et plus techniques, mais à partir du moment où les Malaisiens se sont mis à lever, et ben en fait Hassan Setiawan, à l'âge qu'ils ont, c'est-à-dire 36 et 38 je crois, ils peuvent plus en fait, leur smash ne fait plus de dégâts, que ce soit Setiawan ou Hassan, et à partir du moment où les Malaisiens ont compris ça, d'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont mis trois quarts d'un set à le comprendre, mais c'était mort quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est un peu... Je sais pas si on peut dire un peu triste dans le sens où on aurait aimé que cette série de, c'était quoi, 18 victoires consécutives sur les mondiaux. 19 du coup, ça aurait pu être la 20e. Se poursuivent, finissent peut-être, moi j'ai cru, on en a parlé tous les deux, mais on y a cru, on a rêvé de Hassan Setiawan qui prenne ce titre mondial et qui derrière arrête, tu vois, ça aurait été, l'histoire aurait été formidable. En fait, il y a aussi cette part de... Chia So, c'est aussi il y a quelques semaines, le coach il répondait à pourquoi la paire elle continue d'être ensemble, tu vois. J'ai envie de dire un peu c'est croyez en vos rêves et continuez, tu vois. Mais je voulais te lancer là-dessus parce que c'est dingue, on parlait pas mal de séparation récemment pour eux deux. Faut rappeler que à part les Jeux d'Asie du Sud-Est, ils n'ont aucun titre en commun, donc aucun titre sur la scène mondiale quand même. C'est leur premier titre vraiment BWF. Ils commencent par des championnats du monde et on en parlait, des fois on en rigole un peu, mais Chia So c'est pas du tout une mauvaise paire, mais ça a toujours été les mecs toujours bien placés, jamais vainqueurs quoi, et là ils ont enfin eu ce déclic. Moi je pensais que surtout So Week, je pensais que mentalement ça allait être très compliqué et je les ai trouvés relativement costauds psychologiquement sur cette finale. Ouais, je suis totalement d'accord, et surtout sur la demi, je sais pas si tu veux en parler tout de suite. On peut, puisque là, je pense qu'on a fini sur le match. Donc, pas de quatrième titre commun pour Hassan et Setiawan. La demi, ouais, on m'avait fait des pronos. Moi, j'avais fait l'épisode preview et tu m'avais donné tes pronos aussi. Et moi, j'avoue que je voyais bien les Indiens Ranki Reddy Shetty. Et quand ils ont battu Oki Kobayashi, les champions du monde en titre, on va en reparler. Ça m'a conforté dans mon idée. Je pensais pas qu'ils s'arrêteraient contre les Malaisiens et ça a été un des. Dans ce tableau, ça a été un des plus gros matchs de la semaine. Benoît, tu me dis si je me trompe, mais la victoire 20-22, 21-18, 21-16, ça a été très très disputé. Ouais, pour moi, ça a été le meilleur match du tableau de double homme, en tout cas, de la semaine. Et pour moi, il n'y a pas vraiment eu de débat avec un autre match, tu vois. Par contre, ne pensez pas non plus que j'ai changé d'avis sur So et que je suis en mode « Waouh, So, en fait, c'est un top 3 mondial ». Non, j'ai pas changé d'avis sur lui. Il a été solide mentalement. Maintenant, dans le jeu, je trouve toujours qu'il y a des lacunes. Ça, j'ai pas changé d'avis. Mais c'est vrai qu'ils ont été très, très forts face à Ranki Reddy Shetty, là où je les voyais pas non plus gagner, j'avoue, sur ce match. Et ouais, j'ai été impressionné, t'as raison, parce que cette paire, elle fait quand même une grosse semaine. Hein, Choi Seo en quart. Ranki Reddy Shetty en demi, Hassan Setiawan en finale. Et c'est vrai que c'est le genre de match, ils battent Choi Seo, on se dit, oh ok, ils sont trop forts, et habituellement ils perdaient au tour d'après. Là, ils l'ont pas fait, et c'est vrai que ça m'a un peu impressionné, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas seulement une perf de pointe, tu vois, j'ai du mal à me dire que ils sont capables de régner, tu vois, sur la durée. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce qu'ils sont capables d'aller conserver leur titre, tu vois? C'est la question que j'allais te poser. J'allais te dire, Benoît, est-ce que c'est le déclic? Et en vrai, je pense pas, parce que ils étaient déjà bons. Ils vont pas devenir excellents du jour au lendemain. Je pense que là, c'était la vérité. En fait, c'est par exemple les championnats du monde, c'est différent de la Formule 1 où c'est sur une année. Nous, au BAD, on est champion du monde quand t'es le meilleur sur une semaine. Et je pense que j'ai même peur que tu vois. Enfin, j'en sais rien. Je veux pas leur porter l'œil, mais j'ai pas envie qu'en tout cas ce titre leur fasse plus de mal que de bien. Ça peut être un petit déclic psychologique, tu vois. En tout cas, ça va être un argument. Imparable s'ils veulent rester ensemble, parce que maintenant les coachs vont quand même y réfléchir à deux fois avant une séparation. Je pense que, à part en Chine, globalement, ça se fait pas trop, quoi. Donc, à voir s'ils peuvent enchaîner. Les mecs sont quand même pas très vieux, toujours, donc ils peuvent encore faire des choses. Mais Benoît, ah oui, d'ailleurs, sur cette finale, j'ai rien contre Chiasso ni sur Hassan Setiawan, mais le fait que ces deux paires se retrouvent en finale, ça montre un peu, et c'est encore plus frappant quand tu le compares à d'autres tableaux, la faiblesse du double homme actuel, je trouve. Ah mais clairement, en fait, oui, c'est tout à fait vrai. On en parlera pour le simple homme. Et les noms à Hassan Setiawan, oui, ça fait vendre, on va pas se mentir. Mais c'est pas Hassan Setiawan d'il y a 10 ans, même d'il y a 5-6 ans. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, quand ils sont en finale des mondiaux, moi, ça me fait limite peur. Et en fait, j'ai un peu le même... j'allais justement te lancer sur Ranki Reddy Shetty, qu'on aime, je pense, tous les deux, et que toi, t'avais annoncé potentiellement champion du monde. J'ai un peu tendance à avoir le même débat avec Ranki Reddy Shetty qu'avec Chiasso. Je suis pas persuadé que même avec un titre mondial, ça aurait été un déclic pour une paire qui peut potentiellement, tu vois, régner sur le bad mondial. C'est dire que je suis pas hyper enjoué par le niveau actuel, tu vois. Bah ouais, je suis d'accord, il y a qu'à voir ce qu'a fait le titre olympique à Li Wang, hein, dont on va peut-être parler. C'est pas signe d'un règne à venir. Mais c'est vrai que, bah après, Benoît, on peut penser que c'est bien aussi qu'il y ait de la concurrence. Toi et moi, on a grandi à l'ère des Kaifu, Hassan Setiawan, Lio, des mecs qui dominaient le tableau tout le temps. Gideon Tsukamoto, encore assez récemment, au moins maintenant, on peut dire qu'on rentre dans un tournoi et on ne sait vraiment pas qui va gagner dans ce tableau. Ouais, mais tu vois, on ne sait pas qui va gagner parce que le niveau est quand même un peu plus faible. Et même avec Kaifu et tout, je suis d'accord, mais Kaifu, finalement, il régnait, mais sur le circuit à l'année, c'était quand même, il y avait quand même vraiment de la concurrence. Aujourd'hui, oui, il y a de la concurrence, mais à un niveau relativement, moi en tout cas, que je juge plus faible que sur d'autres tableaux. Non, moi aussi, clairement, je juge plus faible. Il y a pas mal de choses à dire, parce que là, vous imaginez, c'est des tableaux bien remplis avec 64 perfs, un petit peu moins avec les têtes de série. On va continuer sur les favoris et on finira avec les Français. Donc, on a parlé de Ranki Reddy Shetty, j'ai parlé de Li Wang, les champions olympiques. Qu'est-ce que tu veux en dire? Ils perdent dès les huitièmes contre Choi Seo, les Coréens. Choi Seo qui ne jouait même plus ensemble normalement, mais qui joue là juste parce qu'ils ont des points et qu'ils peuvent pas jouer avec leur nouveau partenaire. Qui font une bonne semaine. Li Wang, c'est pas catastrophique, mais ça reste pas dingue et pas digne de champion olympique. Non, totalement d'accord. Après, voilà, c'est le le pire huitième de finale, dans le sens où ils prennent Choi Seo, qui sont redescendus de tête de série numéro 10, mais qui aurait jamais été aussi bas en temps normal. Après, voilà, c'était un vrai bon match, on l'a vu tous les deux, je me souviens. Maintenant, oui, Li Wang, c'est vrai qu'on s'est dit que Choi Seo n'avait pas l'impression qu'ils s'étaient séparés il y a longtemps, mais Li Wang, ils doivent quand même gagner, à mon sens. Les autres qui ont déçu, c'est Astrup Rasmussen qui était, alors j'avais oublié, t'as dû me le rappeler, médaillé de bronze l'année dernière. Là, ils perdent dès leur premier match à eux, donc dès le deuxième tour contre les Indiens Aryun Kapila, 21-17, 21-16. Bon, Astrup Rasmussen, leur force, c'était quand même de passer relativement facilement les premiers tours et d'être toujours là en huitième et en quart. Là, si, enfin, perdre au deuxième tour des mondiaux, c'est quand même inquiétant. Ah, je croyais que t'allais dire leur force, c'est d'être nul. Pas aussi sévère. Si t'es sot, croyez en vos rêves, mais surtout ne croyez pas en Astrup Rasmussen. C'est non, franchement, pardon, mais Arjun Kapila, je sais pas s'il y a pas Delruvi et Léger qui les ont battus il y a quelques semaines sur le circuit. Je veux pas dire de bêtises, tu vois. Et ils font une très bonne semaine, Arjun Kapila. Je veux pas leur retirer ça, mais franchement, Astrup Rasmussen, merde quoi. Non, c'est non. Arjun Kapila que je trouve quand même en progrès, comme par hasard comme Ranki Radicetti, merci Mathias Beu, je pense qu'il fait beaucoup de bien au double homme indien, mais c'est vrai que quand tu vois, déjà je les voyais pas battre les Singapouriens Elo au troisième tour, et ils le font. Par contre après ils ont pris une raclée de l'espace contre Hassan Setiawan, 8 et 14 en quart, ça fait un peu mal. Oki Kobayashi, les champions du monde en titre, en fait, qui défendaient leur titre, ils perdent donc contre Ranki Radicetti. Gros match là encore pour Oki Kobayashi, qui sont souvent sur le fil et souvent ça passe. Et ben là, pour une fois, le troisième set n'a pas tourné dans leur sens. Ouais, on l'a dit quand même régulièrement, là, je trouve, ces derniers temps, ça, que ça tournait un peu moins dans leur sens. Alors peut-être que les autres aussi se sont habitués à leur jeu. Mais Ranki Radicetti, c'est là où je trouve que c'est dommage. C'est vrai qu'ils battent Oki Kobayashi et je les ai trouvés même très bons en demi, tu vois. Et ouais, ils avaient vraiment un profil de champion du monde. T'avais bien flairé le coup. Pour moi, c'est pas du tout... Oki Kobayashi perdent leur titre, mais c'est surtout Ranki Radicetti qui leur font perdre leur titre, tu vois. Oui, c'est ça aussi qui fait un peu, j'ai l'impression, cet aspect nivelé par le bas, c'est que il y a pas une paire qui a un peu battu tout le monde et qui a fait forte impression. C'est un peu genre cette paire qui a battu cette paire mais qui a perdu contre une autre, qui a perdu contre une autre, qui a perdu contre une autre. En fait, on a l'impression que tout le monde peut un peu battre tout le monde dans le top mondial. Benoît, les autres favoris avec Oki Kobayashi qu'on les avait mis médaillés toi et moi, c'est Alfian Ardianto qui est pour moi la meilleure paire de l'année, hein, les Indonésiens, et qui perdent, qui sont allés jusqu'en demi avant de perdre contre leur compatriote Hassan Setiawan. C'est assez inattendu et un peu décevant quand même. Alors toi et moi, on adore Hassan Setiawan, mais sur les dernières confrontations, ça avait tourné dans le sens des plus jeunes Indonésiens, et là, ça aurait dû un peu tourner. Alors, est-ce qu'il y a eu du stress ? Il y en a eu un peu, en ayant vu le match, Alfian a un peu craqué par moment. Mais je pense qu'ils seront vraiment déçus, parce qu'eux aussi avaient un profil de père champion du monde. Mais clairement, c'est d'ailleurs, je crois que je les avais annoncés champions du monde, d'ailleurs. Je suis un peu déçu, parce que pour moi, ils étaient meilleurs qu'Hassan Setiawan. Et d'ailleurs, Chiasso ont bien montré qu'aujourd'hui, les paires du top 5 mondial, en s'adaptant un tout petit peu stratégiquement, étaient meilleurs qu'Hassan Setiawan. Ils ont peut-être payé le match entre Indonésiens. C'est la seule explication que j'ai. Parce que franchement, sur le terrain, quand tu vois le déroulé du deuxième set, tu te dis, ok, le premier ne tourne pas dans leur sens. Mais quand tu vois le deuxième, tu te dis, bon, c'est bon, ils vont dérouler maintenant. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai du mal à comprendre. Peut-être dans la tête aussi, ça a joué. Je pense que ça, en grande partie, ça s'est joué là, ouais, je pense. Et j'ai gardé, tu l'auras remarqué, les meilleurs pour la fin. Gideon Sukamulyo, les têtes de série 1. Aucune médaille aux mondiaux dans leur carrière, commune ou pas. Et toujours pas, puisqu'ils ont perdu contre Lane Vendy, d'autres idoles de 21 Shuttle. 21-15, 21-9. Benoît, on savait, y a des circonstances atténuantes, donc déjà ils font une année un peu pourrie, Gideon revient de blessure, etc. etc. Mais là, quand même, prendre 15 et 9 contre Lane Vendy, c'est inquiétant quand même. Ouais, après, quand même, Lane Vendy, champion olympique, double champion olympique, triple vainqueur des Jeux du Commonwealth. Rien de tout ça, absolument rien du tout. C'est ridicule. Juste, ils n'étaient pas prêts à jouer au BAD. Enfin, non, ça, sans troller trop, ils n'étaient pas prêts à jouer un tournoi international. Je pense que ça s'est vu et voilà, c'est même dommage qu'ils soient venus, presque. Ouais, mais enfin, pour moi, il n'y a pas prêt, pas prêt. Enfin, je pense. Et quand tu dis pas prêt, c'est Gideon qui était blessé. Sukamuno était blessé où, rappelle-moi? Parce que je ne l'ai pas vu bouger beaucoup. Hein. Non, mais c'est vrai. Enfin, en fait, je me dis si Gideon n'était pas prêt et que Sukamuno le savait, autant déclarer forfait, préparer à la suite de la saison, tu vois, mais pas venir pour un cirque pareil. Et c'est là où je te rejoins sur Sukamuno, tu vois. Enfin, ça pue la séparation, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est... Ouais. Je le sens quand même pas mal comme ça. Avec qui ils vont les mettre, je ne sais pas. Fikri Molana. Ouais, ou alors il y a... comment ils s'appellent les vainqueurs des Jeux d'Asie, je crois. Kusuma Wardana Rambitan. Mais dans... Voilà, il y en a un qui est blessé, mais il y en a un qui est dispo. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, donc voilà. Chiasso, victoire. Chiasso qui avait fait bronze au Commonwealth Game. C'est Ranky Radicity qui avait gagné. Et ben, cette fois, ils sont champions du monde. C'est quand même assez dingue. Toi et moi, on l'avait pas du tout vu venir. Après, le fait qu'ils ne gagnaient jamais rien avant le rendait pas très facile. On va passer, avant de finir sur ce tableau, on va parler des paires françaises, des trois paires françaises qu'il y avait dans ce tableau. En commençant par Ronan Labarre et Lucas Corvée. Benoît, on les a pas vus beaucoup jouer récemment quand même, donc c'était un peu une énigme, Corvée-Labarre. Premier tour passé sans encombre contre El Gamal Salah, la paire égyptienne, 21-11, 21-13. Et derrière, ils ont buté face au futur finaliste Hassan Setiawan, 21-15, 21-16. Qu'est-ce que tu en penses de cette perf? Somme toute assez logique, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Bah exactement, assez logique, il n'y a pas grand-chose à analyser. Une paire où tu es largement au-dessus, une paire où tu es largement en dessous. On peut même pas parler d'essayer de faire un exploit, parce que je pense qu'Hassan Setiawan était trop, trop fort pour eux, quoi. Ouais, et puis Hassan Setiawan en début de semaine, quand ils ont zéro match dans les jambes, pas facile à prendre, les mecs qui sont tout frais. Lamsus, Seidel, les Allemands les ont inquiétés un tout petit peu plus au tour d'après, mais c'est vrai que c'est compliqué. Les Popov, là moi j'y croyais pas beaucoup non plus, contre les Singapouriens Hello, qui eux ont... je recommence. Contre les Singapouriens Hello, défaite 21-17, 21-18. J'ai envie de dire, c'est un peu le genre de match auquel je m'attendais, c'est-à-dire des pop-offs dangereux par moment, mais tu sens toujours un peu en dessous et tu sens qu'il manquait le petit truc pour être meilleur que les Singapouriens, quoi. Ouais, et même s'il y a du progrès, je trouve, chez les pop-offs en double, c'est trop compliqué. Hello, enfin, ils le sont pas encore, mais on parle, à mon sens, d'une paire qui est potentiel top 20 mondial. Ils tapent Ong Théo, qui sont médaillés des derniers championnats du monde juste après. C'est quand même révélateur d'une grosse paire. Et je pense que les Popov, on l'a déjà dit, je le sais, mais Elo, ça fait partie de ces paires qui ne peuvent pas battre. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ils ont été loin d'être ridicules, mais j'y croyais pas non plus. Et malheureusement, ouais, c'est ce genre de match qu'on a vu. Mais je suis d'accord, Elo, c'est vraiment pas mal. Hein. Et il vient de gagner les Jeux du Commonwealth en mixte. Et franchement, c'est une bonne paire. Hein. Et la dernière paire française, Fabien Delrue, William Villéger, victoire contre les Indiens, Garaja Panjala, 21-14, 21-18 au premier tour, et après le deuxième était difficile contre Oki Kobayashi. Benoît, ils perdent 21-17, 21-12, mais je dois dire que j'ai plutôt bien aimé leur match et ce qu'ils ont essayé de faire contre Oki Kobayashi. Bah, ils ont même été plutôt très bons, j'ai envie de te dire. Alors oui, évidemment, on parle des champions du monde en titre et numéro 1, 2 mondiaux peut-être. Deux, parce qu'ils sont pas un. Mais voilà, moi je les ai trouvés très bons, ouais, comme toi. Pour moi, ça reste la paire numéro 1 française. En termes de niveau, c'est eux les meilleurs, à mon sens. En termes de niveau, à l'instant T, je sais pas, mais en niveau slash potentiel, ouais, je pense aussi. Et ouais, là, j'ai trouvé. En fait, je les trouve. Je les trouve toujours plus intéressants quand ils sont vraiment outsiders Delrue Villéger. On avait ça un peu avec Tom Jiquel et Delphi Delrue en mix, je trouve, il y a quelques années. Après, ils ont réussi à passer ce palier. Donc, j'espère que Fabien Delrue et William Villéger vont le passer également. Benoît, qu'est-ce que tu veux rajouter sur le double homme? Bah, écoute, on a dit beaucoup de choses. Si c'est bon pour toi, il me semble qu'on a parlé de pas mal de choses. Ouais, on a parlé de pas mal de choses. Ah non, si, vite fait. Un mot pour décrire la performance de Gotan, les Malaisiens qui ont perdu contre Bemoled, les Danois, dès leur premier match. Croyez en vos rêves, je crois que c'est le mot de ce tableau. Ouais, croyez en vos rêves, mais là, au bout d'un moment, il faudrait arrêter de croire que ça va fonctionner. Allez, On passe tout de suite au double dame. I'm the bad guy. Take that! Double dame remportée par les têtes de série 1, les chinoises Chen Jia, contre les coréennes Kim Kong, 22-20, 21-14. Benoît, sur le match, un premier set surprenant où Kim Kong ont failli le gagner. Et finalement, un peu comme en double homme, hein, on a quasiment le même score et un peu la même symbolique. C'est-à-dire que la chance des coréennes, elle était passée en fait. Ouais, elle était passée, mais Kim Kong ont été quand même très intéressantes, au moins sur le premier set. En vrai, ça a été quand même un match où il y a eu vraiment des échanges. Ça a été vraiment une bonne finale, moi je trouve. Après, voilà, Chen Jia, on l'avait annoncé, elles ont été à leur niveau. D'autres l'ont pas été forcément, mais Chen Jia, ouais, clairement à leur niveau et titre, du coup, elles conservent leur titre. Et pour moi, c'est totalement mérité. Ça fait 3 titres en 5 éditions, je crois, maintenant. C'est ça, 2017, 2021, 2022. Elle, pour le coup, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça doit être la paire numéro 1 mondiale sur au moins les. Au moins, allez, disons, au moins jusqu'à 2025, quoi. Jusqu'aux Mondiaux de Paris, tu vois. Clairement, il n'y a plus de débat pour moi. C'est très possible, hein. Elles ont tout, en fait. Et elles sont déjà, à leur âge, je crois qu'elles doivent avoir 25 ans toutes les deux, elles sont déjà la paire la plus titrée de l'histoire des mondiaux, égalité avec une autre paire chinoise des années 2000. Et évidemment qu'elles vont les battre. Hein. Je veux pas porter malchance, mais elles ont 25 ans, elles roulent sur tout le monde. Elles perdent parfois, notamment cette année. Hein. Elles nous ont parfois surpris avec quelques défaites, notamment en compétition par équipe, me semble-t-il. Mais ouais, et c'est une paire. Je trouve en plus, au-delà du jeu, c'est une paire que je trouve beaucoup plus sympathique que quand elles ont débarqué sur le circuit et quand elles ont gagné leur premier titre mondial, tu vois. Ouais, juste parfois un tout petit peu suffisante à mon goût, mais c'est peut-être pas de la suffisance. C'est peut-être elles sont juste contentes d'être là. Mais c'est vrai que quand tu peux se le permettre de finalement de la suffisance. Oh ben là, sur une semaine comme ça, de toute façon, il suffit de regarder les scores, hein, vous allez vite comprendre que. Elles ont roulé sur la concurrence, quoi. Clairement, même, je pense que même nous, enfin en tout cas même moi, je m'attendais pas à ce que ce soit peut-être aussi facile entre guillemets. C'est vrai, on n'attendait pas aussi facile, mais pour le coup, on les avait mises, je crois, tous les deux championnes du monde. Par contre, celles qui m'ont beaucoup surpris, c'est Kim et Kong, donc finalement finalistes battues, mais elles n'avaient pas joué depuis 3 mois, je crois. Elles étaient blessées. Avant qu'elles arrêtent de jouer, c'était pas franchement dingue. Pour tout vous dire, Benoît et moi fait pas mal de pronostics sur Badmania toute la semaine. À chaque match, quasiment, je les mettais perdantes parce que j'étais persuadé qu'elles allaient s'arrêter là. Et finalement, elles ont fait une semaine incroyable. Je pense que après la médaille de bronze qu'elles ont eu au JO, elles peuvent être très satisfaites de cette médaille d'argent parce que pour moi c'était inespéré, mais finalement mérité vu leur semaine. Ah non, mais rien à dire. On avait dit Li Xin, Kim Kong, énigme. Enfin, franchement, on s'était pas trop mouillé sur les deux parce que je pense que c'était très compliqué. On avait dit potentiellement Jeong Kim, ça peut battu en 2-7, très serré par Kim Kong. Et surtout, à mon avis, la grosse victoire, c'était vraiment Matsuya Mashida, 16 et 15 en quart, je crois, il me semble. Et vraiment là, je me suis dit, ok, Kim Kong, en fait, beaucoup plus sérieux que ce qu'on pouvait attendre, même si on sait qu'elles ont ce niveau, peut-être qu'on s'attendait pas à les voir aussi fortes. Ouais, parce que Matsuya Mashida, elles avaient des belles têtes de finalistes quand même, hein, dans cette partie de tableau, je trouve. Ah oui, bah on l'avait annoncé, je crois, d'ailleurs, non ? Ouais, et quand elles battent Tan Tina au tour d'avant, les deux jeunes malaisiennes, moi je me suis dit, ah ouais, Tan Tina, c'est la paire qui monte, elles les ont, on va dire, muselées 16 et 16, là ça part bien, derrière elles jouent Kim et Kong, qui, même si elles ont battu leurs compatriotes au tour d'avant, sont toujours pas forcément incroyables et très très surpris. Je pense que c'est un des scores qui m'a le plus surpris de la semaine et ouais, franchement très intéressante. Et derrière la victoire au mental contre Supa Jirakul, Taira Tanachai, les thaïlandaises, où elles sauvent 4 volants de match, je crois. Donc elles ont tout eu, elles ont eu le niveau de jeu, elles ont eu le mental. Ça a failli ça aurait pu, elles auraient pu faire mieux en finale, mais franchement, la semaine est très bonne. Hein. Et d'ailleurs, je sais pas toi, mais bon, c'est aussi une de nos paires, j'ai envie de dire, tête de turc du podcast, ou pas Jirakul, non, pardon, c'est les autres thaïlandaises, mais on parle souvent de. On parle souvent du niveau des thaïlandaises, mais je sais pas, je m'attendais pas non plus, elles, à les voir à ce niveau-là, tu vois, je pensais pas qu'elles iraient chercher une médaille mondiale. Bah, elles non plus ne jouent plus ensemble déjà, puisque maintenant Taira Tanachai fait que du mid. Non, mais j'appuie ce que tu dis, c'est vrai que c'est vrai que on les attendait pas à ce niveau, parce que pour moi, elles ont profité de leurs points. Elles sont tête de série 14, donc elles avaient pas forcément un tableau dégagé. Moi, c'est une paire que j'aime bien. Après, j'aime beaucoup sa Spirit et Ratanachai. J'étais vraiment dégoûté qu'elles convertissent pas les 4 volants de match qu'elles ont. Mais c'est vrai que, bah, déjà, c'est une paire assez spéciale. Quand t'as une joueuse qui fait 1,80, je crois, qui met une tête et demie à toutes les autres, c'est forcément des matchs un peu particuliers, quoi. Mais moi, j'aime bien. Mais oui, ça reste, je sais pas ce que t'en penses, mais ça reste quand même une paire, tu vois, entre guillemets, moyenne, et on se disait jamais elles rentreront dans le top 8 mondial actuel, tu vois, par exemple. Et là, elles font une médaille mondiale. Ah, pour moi, oui, pour moi, c'est une paire qui aurait dû s'arrêter en 8e ou en quart, tu vois, en demi, c'est vraiment plus loin que ce qu'elles pouvaient espérer. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont battu les Stoeva 21-13, 21-12, et j'ai cru comprendre que ça t'a déçu. Les Stoeva, c'était les montagnes russes encore cette semaine, Benoît. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ben, j'ai pas compris, en fait. Elles font une vraiment très solide contre Baikli, les Coréennes. On s'est dit, ok, les Stoeva, en fait, bon, elles ont fait une bonne prépa, elles sont bien. Elles prennent 13 et 12 contre Supajira Kulta et Ratanacha. Et honnêtement, le match, je vous laisse aller vous faire une idée. Je vais pas leur taper dessus plus que nécessaire. Mais pour moi, c'est du même acabit que du Astrup Rasmussen actuellement. C'est, je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas comment ça peut arriver face à des paires contre qui elles ont toutes les armes pour gagner. Sincèrement, vraiment, hein. Ouais, je comprends pas non plus. J'avoue que j'ai pas d'explication, et comme toi, j'ai vraiment eu beaucoup d'illusions apportées par cette première victoire au premier tour, et derrière, compliqué. D'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire ? Partie de tableau qui a été ouverte quand même en grande partie par le forfait de Fukushima et Rota au dernier moment. Je crois qu'elles ont tout fait pour pouvoir jouer, mais finalement... il me semble que c'était Hirota qui était ou Fukushima, ou bien bref, il y en a une des deux qui était blessée, et du coup celles qui ont déjà perdu trois fois en finale n'étaient pas présentes. Et dans le haut du tableau, donc on a eu du Kim Kong Matsuyama Shida, on avait Matsumoto Nagahara, elles qui ont été titrées deux fois, 2018-2019, et qui ont finalement été solides quasiment toute la semaine, avec une belle victoire en quart contre Lee Shin, les Coréennes, qui tête de série 3, qui elles aussi pouvaient prétendre à une médaille. Mais face à Chen Jia, les Chinoises, les Japonaises n'ont pas trouvé la clé. Ouais, et je pensais franchement que Matsumoto Nagahara, c'était peut-être la seule paire à pouvoir faire tomber Chen Jia. Et quand j'ai vu le match, j'ai compris que personne ne ferait tomber Chen Jia, parce que Matsumoto Nagahara ont vraiment fait une bonne semaine pour le peu qu'elles ont joué ces derniers temps et le niveau qu'elles ont affiché. Vraiment, je pense qu'on est en train de retrouver pas loin de la paire qui a été double championne du monde. Mais effectivement, quand j'ai vu le match contre Chen Jia, j'ai compris que personne n'irait les chercher. Voilà, Chen Jia, Matsumoto Nagahara, ce match-là, c'était les 5 derniers titres de championne du monde en double dame. Donc, c'est pour vous dire à quel point ces deux paires assez incroyables. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la forme de la semaine et globalement du moment, les Chinoises étaient bien au-dessus. Pour la stat, Matsumoto Nagahara, c'est quand même quand elle gagne pas, c'est demi-finale en 2021, l'année dernière, demi-finale cette année. Donc c'est 4 médailles consécutives sur les mondiaux. C'est quand même solide, ouais, clairement. Ouais. Voilà. Et donc et j'aurais bien aimé ce qu'aurait donné la paire Ryu Ramadanti. Malheureusement, pas encore assez de points pour jouer ensemble. Donc on verra ça la prochaine fois. En l'occurrence, Ramadanti a perdu au deuxième tour avec son ancienne partenaire. Benoît, les paires françaises, d'abord on va commencer par les plus jeunes, Flavie Vallée et Émilie Verselot. Moi, je pensais qu'il y avait moyen au premier tour contre les Canadiennes Choi Woo, et j'ai continué à y penser avec le déroulé du match, puisque malheureusement elles perdent 22-20 le premier set et 21-12 le deuxième. Pour leur premier championnat du monde, elles n'ont pas été ridicules, et on espère que elles feront mieux la prochaine fois. Ouais, juste un tout petit peu de tendre, mais c'est bien qu'elles puissent découvrir en tout cas la compétition, je trouve. Si jeune, c'est pas donné à tout le monde, surtout qu'on peut quand même considérer qu'elles n'ont pas forcément encore le niveau de Lambertran ou de beaucoup de paires dans ce tableau, mais c'est une chance de pouvoir juste être là, quoi. Ouais, et pour le coup, Lambertran, qui, elles, ont affiché un très très bon niveau, j'ai trouvé. Elles battent la paire Kusuma Pratiwi, la paire indonésienne au premier tour. Moi, j'y croyais pas forcément, j'avais dit qu'elles le feraient pas, je pense d'ailleurs. Et derrière, derrière, match assez frustrant, enfin, elles perdent 22-20, 21-18 contre Supajira Kulta et Ratanachai, les futurs médaillés de bronze, demi-finalistes. Franchement, Alors, il y a peut-être la frustration de ne pas avoir au moins pris un set aux Thaïlandaises, mais ce niveau de jeu, pour moi, il est un peu inattendu de leur part et bah, très satisfaisant, c'est cool. Ah, il est plus que satisfaisant. On n'a pas vu un niveau de jeu de 50e mondial comme elles sont actuellement. Enfin, franchement, je sais que j'ai toujours cru en cette paire, parce que je pense que Margot Lambert est vraiment une très très bonne joueuse de double dame. Mais là, on a vu des trucs, franchement, sur le match contre les Thaïlandaises, moi j'y ai vraiment cru. Dans le deuxième, elles sont bien devant et elles craquent un peu, mais vraiment, le niveau de jeu, si vous avez l'occasion d'aller voir ce match, c'est pas une paire 50e mondiale, quoi. On parle d'une paire au moins top 30, top 35, top 30, tu vois. La question maintenant, c'est combien de temps vont-elles pouvoir afficher ce niveau ? Benoît, quelque chose à rajouter sur le double dame ? Écoute, on peut juste dire un mot sur Frøgaard-Tygesen qui ont quand même été jusqu'en huitième de finale et qui perdent contre Chen Jia. Après, c'était prévisible, mais j'ai vu un niveau intéressant. J'ai vu leur huitième, leur 16e, pardon, autant pour moi. Et c'était ça, franchement, je trouve que ça revient et j'ai hâte de voir si elles vont être capables sur des championnats d'Europe ou quoi de concurrencer les Stoeva. Ok, bah c'est vrai que c'est les championnats d'Europe. Je pense que c'est une des compétitions que peut viser une paire comme Frøgaard-Tygesen. Allez, on passe tout de suite au simple homme. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Simple homme, pareil que le double dame, c'est la tête de série 1 en l'occurrence. Victor Axelsen, le Danois, on ne le présente plus, qui a battu Koen Lavoud Vititsarn en 2-7, 21-5, 21-16. Match de 50 minutes, relativement long pour ce score. Mais moi, 50 minutes, il m'a paru durer 3 heures tellement c'était pas bien. La faute à un Vititsarn peu inspiré et à un Axelsen beaucoup trop fort. Ouais, c'est la demi, c'était pareil. Et encore que Xu Tianchen a un peu pas joué contre nature, mais il a essayé des trucs. Vititsarn, il est très fort, je trouve. Mais dans une filière qui, à mon avis, n'embêtera jamais Victor Axelsen. Et c'est bien le problème, tu vois, c'est qu'on voit bien qu'il est capable de tenir l'échange, et d'ailleurs c'est un des rares à tenir aussi bien l'échange sur la semaine. Je prends un exemple, Ginting, qui à mon sens ne peut pas faire aussi bien que Vititsarn, mais clairement Vititsarn il a pas les armes pour finir des points contre Axelsen, et si c'est ça que tu veux dire, mais je te rejoins à 1000%. Il a pas les armes, mais tu vois, je préfère ce que fait Ginting. Alors après, c'est pas contre Axelsen, puisque Ginting, il a un style de jeu qui est naturellement offensif, alors que Vititsarn beaucoup moins. Mais un mec qui est pas assez offensif, il n'a aucune chance contre Axelsen. Bon, déjà, là, en l'occurrence, il y a très peu de mecs de ce tableau actuellement qui ont une chance contre lui, mais tu peux pas gagner en mettant autant de dégagés longs quand t'as pas d'inspi. Enfin, je trouve ça assez... Je comprends pas, en fait. Mec, mets des mines, on s'en fout si ça passe pas, mais c'est dur de se faire violence, mais j'ai été un peu déçu de Vititsarn. Déjà, je trouve ça assez surprenant qu'il arrive à se retrouver là, mais... Je sais pas, j'ai trouvé ça dommage en fait, qu'il tente pas plus de choses, parce que c'est vrai qu'avec ce style de jeu, ok, il tient l'échange, mais en fait, Axelsen, il était jamais inquiété, quoi. Oui, on l'a vu avec Christo d'ailleurs, qui avait essayé, lui, qui s'était dit, bah, je suis full sur l'attaque. Alors oui, Christo a pas le niveau de Vititsarn, ça on va pas se mentir, c'est clair, mais c'est un peu le seul qui aujourd'hui a le niveau, le style de jeu, je trouve, pour embêter Axelsen. C'est les seuls, en tout cas, c'est du Lidijia, du Lokinyu, tu vois, un peu. Bah d'ailleurs, Lokinyu, voilà, il l'avait battu au dernier mondiaux, mais Lidijia un peu, mais Vititsarn pas du tout. Après, là où je suis pas d'accord, c'est comment il a fait pour se retrouver là. Je pense que Vititsarn, c'était vraiment un potentiel outsider de la semaine. Maintenant, ouais, je pense que, contrairement à Ginting, tu vois, Vititsarn a le niveau de jeu pour gagner des grands tournois. Mais pas contre Axelsen et pas en jouant comme ça, ça on est d'accord. Ouais, moi je trouve encore un petit peu tendre. Pour la semaine, à part Lokinyu, je trouve qu'il a pas battu grand monde, honnêtement. Tendre à l'instant T, mais je pense qu'il y a plus de potentiel que Ginting pour gagner dans les années à venir, tu vois. Ouais, parce qu'il est plus jeune, mais il va falloir qu'il... Je sais pas, il va falloir que tactiquement, il trouve un truc, parce que... Après, je suis peut-être un peu sévère, hein. Je sais que toi, t'aimes bien, moi, c'est pas ce style de joueur, je suis pas très très fan, mais voilà, je lui retire aucun mérite. Hein. Le mec, il est ultra jeune, il est triple champion du monde junior, et là, il a déjà une médaille de bronze au championnat du monde, c'est assez impressionnant, mais c'est vrai que, bon, on peut pas lui en vouloir. Après, Axelsen, il a mis des tôles à tout le monde, c'est compliqué, voilà, on en parle, 21-10, 21-10. Contre Ginting en quart et Xu Tianchen, qui est peut-être celui qui a fait le meilleur match contre lui, 21-15, 21-17 en demi. Benoît, beaucoup de choses à débriefer, évidemment. Je vais te laisser choisir. On peut peut-être parler du bas du tableau, puisque je disais que Vítězslav, on lui avait nettoyé un peu. La faute à beaucoup de défaites de favoris. Antonsen, Kidambi, Lakshyasen, Momota, Lizidja, ils étaient tous en bas. Ils ont tous perdu. Par lequel tu veux commencer? Écoute, on peut Antonsen, parce que c'est le joueur direct qui a impacté le tableau de Vítězslav, sa partie de huitième de finale. Je pense clairement que... La défaite au premier tour contre Kenta Nishimoto, 21-15-21-19. Énorme manque de rythme. Je pense qu'Antonsen n'avait pas le rythme, pas le niveau pour passer un tour sur ces championnats du monde. En tout cas, pas en prenant Nishimoto qui n'était pas tête de série. Et je pense même que, en vrai... Il n'aurait pas perdu au deuxième tour contre le Suédois, mais Vítězslav l'aurait probablement battu aussi, tu vois. Enfin, je pense qu'il n'avait pas le niveau pour battre un top 15 mondial cette semaine. Non, je suis d'accord. Pour moi, je ne serais pas trop sévère avec lui. Il revient, il a eu des problèmes, il n'a pas joué, il n'a pas beaucoup joué récemment. Il prend un premier tour vraiment pas facile contre Nishimoto. Ce qui est dommage, en fait, j'ai vu ce match, c'était un des tout premiers que j'ai vu dans ces mondiaux. Et j'ai vraiment l'impression qu'en le voyant jouer, je me suis dit... Il lui manque un match pour se mettre dans le rythme et après ça va aller, tu vois, parce que je ne l'ai pas trouvé catastrophique. C'était même il perd 21-19 au deuxième et j'avais même cette impression de me dire, là, s'il arrive à l'accrocher, le troisième, il peut très bien le gagner et après partir sur une bonne semaine, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il lui aurait fallu un match avant pour se mettre dans le rythme et là, ça a été trop compliqué face à Nishimoto. Ouais, je trouvais qu'il subissait un peu, tu vois, le match. Enfin, qu'il était... pas qu'il était pas dedans, mais tu vois qu'il voilà ce manque de rythme qui a fait qu'il était en manque d'initiative, pas vraiment dans son assiette, quoi. Ouais, complètement. Celui qui a tapé pas mal de favoris, dont on va parler tout de suite, c'est le chinois Zhao Junpeng, c'est pas, on va dire, le chinois le plus connu, même s'il avait fait une finale cette année contre Axelsen, me semble-t-il, déjà. Il a battu Kidambi au deuxième tour, 21-9-21-17. Il a surtout battu Lizidja au troisième tour, 21-19-11-21-21-19. Ensuite, il bat le mec en forme du moment, Pranoy, 19-21-21-6-21-18, avant de finalement perdre face à Vítězslav. Grosse semaine du joueur chinois. Ouais, énorme semaine avec en point d'orgue cette victoire contre Lizidja. Dans un bon match, je pense qu'on peut le dire, même si je regrette quand même que Lizidja soit pas capable. Et je sais qu'on l'a déjà dit, mais il est jeune, oui, d'accord. Mais toujours est-il que pour aller chercher des grands titres, il va falloir battre Zhao Junpeng, monsieur Lizidja, quoi, tu vois. Il y a un moment, je sais pas ce que t'en penses, mais on se disait qu'il avait le niveau pour gagner ce match, et sauf que il le perd. Mais Lizidja, pour moi, il symbolise à lui tout seul l'inconstance actuelle des joueurs de simplom autres que Axelsen. Parce que pour moi, c'est vraiment lui qui a les armes pour battre le Danois et pour battre pas mal de mecs. Mais tu peux pas perdre contre ce genre de joueur. Enfin, franchement, c'est... Le mec, je trouve qu'on parlait de Antonsen qui a été beaucoup trop passif, mais Lizidja, c'est encore pire parce que Lizidja, normalement, il est beaucoup plus agressif. Et là, on avait l'impression qu'il avait peur d'y aller, quoi. Peut-être la pression parce qu'effectivement, on lui a peut-être un peu trop dit que c'était lui qui pouvait battre Axelsen, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment très très mauvaise perf. On en reparlera après, mais il y a un autre joueur, moi, que je vois et qui revient. Et je me dis, est-ce que c'est pas finalement lui le plus constant et celui qu'on a le plus envie de voir face à un Axelsen, tu vois? Peut-être plus que Lizidja, parce que Lizidja, c'est pas le problème de jouer Axelsen, c'est le problème d'arriver jusqu'à Axelsen, quoi, tu vois? C'est ça aussi. De quel joueur tu parles, Benoît? Hashiyushi, je sais qu'on en a parlé tous les deux et on était plutôt d'accord sur le fait qu'on avait envie de le voir contre Axelsen. Hashiyushi que j'ai totalement oublié de mentionner dans la preview, puisque je l'avais oublié tout simplement. Petit imbroglio avec la Fédération Internationale, normalement il aurait même pas eu le droit d'être là. Vite fait un coup de rétro, on l'a pas vu depuis octobre 2021 quand il joue la Thomas Cup face à Momota, qu'il abandonne au dernier point quand il est en train de se prendre une tôle et qui dit en conférence de presse: j'ai pas vraiment perdu le match. La fédé chinoise entend ça, ça leur plaît pas du tout, ils le virent pendant 6 mois et finalement il revient en ayant continué de s'entraîner. Donc alors il y a des joueurs dont le niveau était une énigme, alors lui personne ne l'avait vu jouer depuis octobre, donc c'est pour vous dire. Et en plus, Benoît, il a eu pas mal de problèmes physiques quand même avant de prendre son ban de 6 mois. Moi, j'ai trouvé très impressionnant à son deuxième tour contre Rasmus Gamke, tête de série. Il lui met 13 et 16. Franchement, là, je me suis dit, ah ouais, Shiyuki est vraiment revenu. Derrière, il perd contre Anthony Ginting, contre qui il menait 6-0 aux confrontations. Mais là, on a vu que c'était compliqué pour Shiyuki, en fait, de physiquement de tenir un match de batte de haut niveau. Ça se voit qu'il avait plus l'habitude. Il perd 21-18 au troisième. Mais en tout cas, Benoît, toi et moi, on a regretté, enfin, on n'a pas regretté la victoire de Ginting, mais on aurait bien aimé voir ce que Shiyuki aurait pu faire face à Axelsen. Et je pense qu'il a épaté tout le monde, dont nous, parce que personne ne s'attendait, je pense, à le revoir à un tel niveau. Et même si il a rien gagné, il a pas fait de médaille, mais en tout cas, c'est prometteur pour les tournois qui arrivent. Ouais, clairement. J'ai envie de te dire, redonnez-moi Shiyuki dans 2-3 mois, on revoit ce que ça donne. Mais finalement, ouais, voilà, je l'ai dit juste avant, mais est-ce que c'est pas lui finalement qu'on a envie de voir contre Axelsen, essayer de trouver des solutions, parce que c'est peut-être lui qui a le plus d'armes pour en trouver, quoi, tu vois? Totalement. Honnêtement, je sais pas, mais j'ai envie de voir ça en tout cas. Puisqu'au bout d'un moment, quand tu vois le pauvre Anthony Ginting qui se le prend pour la cinquième fois en 3 mois et qui prend 5 fois le même score, évidemment, on a bien compris qu'il n'arriverait pas à le battre. Lakshasen, lui aussi, qui est un des mecs en forme du moment, qui était quand même assez décevant, parce que, ok, tu bats Vitingus et Peñalver, mais derrière, il perd contre son compatriote Pranoy, 21-17 au troisième. J'ai envie de dire, Benoît, à l'expérience, hein, il s'est fait totalement endormir, Lakshasen, alors que pourtant, il est largement meilleur. Ouais, exactement. Après, je crois que je l'avais plus ou moins senti, Lakshasen, Kidambi et... Enfin, en fait, les trois des quatre médaillés, je sais pas, je le sentais pas de ouf. Je pensais pas que ça arriverait si vite dans la semaine, mais... Pranoy, il a bien mené sa barque en vrai. Et juste Lakshasen, comme un gamin, il s'est fait prendre. Ouais, là c'est quand même assez terrible ce qu'il lui a mis. Alors que Lakshasen, là, il avait la porte jusqu'à la médaille, voire peut-être la finale. Hein. Et pour finir sur les favoris, Kento Momota qui a passé un tour compliqué contre Lino Munoz, le Mexicain, avant de perdre contre Pranoy. C'est compliqué, Benoît, il perd 21-17, 21-16, parce que à la fois, il fait pas un match vraiment nul. Enfin, il est pas si mauvais, je trouve, Momota. Et Pranoy est vraiment bon en ce moment. Mais à la fois, en fait, là, il fait un match de top 20 mondial, on va dire, de top 15. Mais il fait pas un match de Kento Momota. Et plus le temps passe, plus je me demande si on reverra le Kento Momota 2018-2019. Et ça, c'est vraiment ultra triste. Est-ce qu'on doit encore... comparer le joueur qu'on voit actuellement à celui qu'il était, je suis plus si sûr en fait, parce que c'est difficile de faire la part des choses en fait, de se dire que c'est pas vraiment le même homme en fait, le même joueur. Et c'est terrible parce que, enfin voilà, je sais, on va reparler de ça, mais c'est même pas dû à quelque chose qui s'est passé sur le terrain en fait, c'est ça qui est terrible. Ouais, c'est ça, c'est vraiment psychologique parce que il est fit, tu vois. On voit pas de problème physique qui l'empêche de bien jouer, c'est juste que c'est plus le même joueur en fait, et c'est dur de doser les attentes de ce Momota là, tu vois. Faudra se poser un jour pour parler de Momota, mais sa carrière quand même, ça aurait été parler au passé, mais tout ce qui s'est passé, ouais. C'est difficile de parler de gros gâchis pour un mec double champion du monde, mais les problèmes extra-sportifs qu'il a eu l'empêchent de peut-être faire une carrière lindanesque. Il y avait plus dans les jambes que 2 titres de champion du monde. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais il y avait beaucoup plus là sur les dernières années que ce qu'il y a eu, c'est sûr. On verra. Il n'est pas fini au niveau de l'âge, mais on va voir. Il a de la chance qu'il n'y ait pas une énorme concurrence au Japon, mais on verra. Les Français, Benoît. À moins que tu aies. Est-ce que tu as d'autres joueurs dont tu veux parler avant qu'on passe à nos franchises? Juste Shu Tianchen, on en a parlé, je sais, mais j'avais annoncé sa première médaille mondiale et il a fait une super semaine. Juste régal et très content pour lui parce que je trouve que c'est mérité, en tout cas sur l'ensemble de sa carrière, et elle n'est pas volée. Il a fait du Shu Tianchen, c'est-à-dire mec qui est jamais flamboyant, mais un bon jeu pour contrer les mecs offensifs comme Christie, qu'il a battu en quart, et surtout un mental à toute épreuve, comme quand il était mené 20-16, je crois, contre ce même Christie, et que finalement il gagne 22-20. Et très déçu de Jonathan Christie, que je sentais vraiment bien, on va en parler, ça va faire la transition, mais il met une tôle à Thomas Junior Popov au premier tour, et à Kai Schaefer au deuxième. Je le sentais vraiment pas mal et je me suis dit là il y a moyen d'aller chercher une médaille, pourquoi pas inquiéter Axelsen, et très déçu de ce petit craquage mental contre le Taïwanais, parce que je pense que Christy il avait une médaille dans les jambes là, largement. Ouais, mais le problème c'est que les Indonésiens, quand ils ont une médaille dans les jambes, tu sais toujours ce qui se passe, hein. Ils l'ont dans les jambes mais pas dans la tête. Eh oui. Ouais, c'est dommage. Mais comme je disais, ouais, il a corrigé notre français Tomáš Junior Popov au premier tour, 21-9, 21-11. Benoît, moi, je le sentais vraiment pas. Pour moi, Tomáš Junior Popov contre des mecs très rapides. Déjà, contre Lokinyu, ça avait été compliqué. Et là, bon, contre un Jonathan Christie qui, pour le coup, n'était pas venu en touriste comme il peut parfois le faire, c'était impossible pour le français. Ouais, en vrai, pour moi, zéro surprise. Je crois l'avoir annoncé et on avait dit que c'était pas un profil qui pouvait embêter. Je pense qu'il y avait d'autres tirages meilleurs, tu vois. J'aurais bien plutôt aimé le voir contre Nishimoto, par exemple. Je balance un nom comme ça. Mais clairement, là, j'y croyais pas. Et je peux même faire un package, si tu veux, avec Brice Leverdez. Pour moi, c'était le même topo, quoi. Ouais, j'y croyais pas non plus. Défaite 21-9, 21-13 contre Lizidja. Bon, voilà, pas grand-chose à dire. Il a essayé. Mais comme aux Jeux Olympiques, il n'a pas pu inquiéter le Malaisien. Voilà. On va tout de suite passer au simple dame. Look at this, look at that. Là aussi, victoire de la tête de série 1 Akane Yamaguchi contre la tête de série 4 Chen Yufei. Mais ça a été beaucoup plus compliqué et ça a été un sacré match aussi. Hein. Victoire de la japonaise 21-12, 10-21, 21-14. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de ce match entre un match qui a duré 1h08 et on va dire que personne n'a été surpris hein, parce que deux grosses rameuses face à face, ça allait forcément durer ce match. Ouais, je m'attendais pas à ça, tout simplement parce que Akane Yamaguchi ces derniers mois, on va pas se mentir, c'était pas le niveau qu'elle a affiché cette semaine. Donc je m'attendais à ça en finale, mais je m'attendais pas à ça par exemple en quart, tu vois, quand elle est arrivée contre Carolina Marin. Après, franchement, ravi que Yamaguchi conserve son titre, parce que je pense que ce qui s'est passé à Tokyo au jeu l'année dernière, ça a été un traumatisme. On va pas dire, je pense que c'est le mot. Et là, le fait qu'elle conserve son titre acquis il y a 6 mois maintenant, je trouve que c'est un beau, beau message pour le bad japonais, pour le travail. Ouais, voilà, franchement, régal de voir Yamaguchi conserver son titre, clairement. Ouais, moi aussi, franchement, il était loin le titre de championne du monde, parce que c'est vrai que son niveau ne laissait rien présager de très bon, mais Yamaguchi, elle est comme ça, dès que son physique est au point, le reste, il y a tout qui suit. Et ça s'est vu là, elle a été très très forte, parce que pour le coup elle a pas eu une semaine facile, hein. Toon Young, Takahashi, et même voilà, surtout à la fin, Marin, Han Se-young, Chen Yufei. Bon, déjà, le tableau de simple dame, je l'avais dit, est extrêmement compact, mais le niveau était encore fou, hein, franchement. Honnêtement, ouais, pour ouais. Moi, y a pas son tableau, elle a eu la semaine la plus compliquée de toutes les filles, je pense. Malheureusement, deux absences majeures, PV Sindhu, qui avait annoncé après le jeu du Commonwealth qu'elle se retirait, et Okuhara, elle un peu plus tard de dernière minute, donc voilà. Et Yamaguchi à domicile, quoi, c'est quand même une petite pression. Après, ça a pas l'air d'être la joueuse qui craque beaucoup sous la pression et qu'elle montre très peu de choses, mais je pense que ça devait un peu trotter dans la tête, ce qui s'est passé au JO aussi. Donc ouais, très très très impressionnante. Dans les favorites, on en a cité pas mal, on peut parler de Marine de haut en bas. Marine Benoît, où déjà on avait du mal à l'avoir passé son quart contre Ebing Xiao. Et j'ai envie de dire qu'en termes de niveau de jeu, elle aurait dû le perdre, puisqu'elle perdait 20-16 au troisième, et qu'elle va finalement chercher 22-20, bah voilà, purement au mental. Elle était dominée le reste du set, là elle va le chercher on ne sait pas comment. Derrière, elle perd contre Yamaguchi, parce que ce qui passe contre Ebing Xiao, ça passe pas contre Yamaguchi. Qu'est-ce que t'en penses, Benoît ? Est-ce que tu penses que Marine, c'est un petit échec, c'est mondiaux ? Est-ce que tu penses que c'est une réussite, parce qu'elle fait quand même un quart ? Est-ce que tu penses que c'est... mitigé mais prometteur pour la suite? Moi, je serais plutôt sur la troisième option. J'ai du mal à dire, parce que je pense qu'elle-même venait peut-être se jauger et ne savait pas à quoi s'attendre. Même si c'est vrai que Marine, on sait que quand elle vient sur des championnats du monde, c'est clairement pour les gagner. Déjà, quand elle jouait Bing Jiao, perso, sur l'ensemble du match, moi, je la trouve dominée dans le jeu. On l'a dit, on se le disait, même contre Yamaguchi, elle a plus les jambes qu'elle avait avant. Même après sa première opération, on le voit, elle a plus les mêmes jambes. Alors, est-ce que c'est... Elle est plus lente, hein. Elle est plus lente, moins réactive. C'est étrange. Est-ce que c'est aujourd'hui ? ce qui est possible. Le fait qu'elle manque de compétition ou est-ce que c'est vraiment une évolution du corps de Carolina Marin, ça, difficile de répondre. Mais le problème, c'est qu'elle a toujours été un peu en dessous, moi, je trouve, techniquement, de beaucoup de joueuses. Mmh. Et elle compensait, voire compensait plus, par son physique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et quand il y a Magouchi, pour moi, il n'y a pas eu photo. Ça fait 17 et 17, mais honnêtement, allez regarder le match. Il y a une nette domination d'Yamaguchi et Marine, elle a, pour moi, aucune solution vraiment, tu vois. Ouais, le match était pas dégueu, c'était intéressant tactiquement, j'ai trouvé. Mais ouais, moi qui aurais bien aimé voir l'Espagnol aller plus loin, j'avais du mal là, voir ce mur Yamaguchi qu'elle s'est pris, je vois pas comment elle aurait pu faire. Je suis totalement d'accord avec toi, va falloir trouver des solutions tactiques si elle arrive pas à être plus au point physiquement. Et ça, est-ce que elle va pouvoir le faire? Elle va y avoir du taf avec Fernando Rivas. Han Se-young, Benoît, dont on pouvait attendre pas mal de choses quand même, qui s'est sorti d'un match compliqué face à Han Yue en quart. Encore. 22-20, elle a un peu galéré à le finir, mais globalement, avant ça, elle a eu une semaine plutôt tranquille. Par contre, Yamaguchi, elle avait déjà buté contre la japonaise pas mal de fois. Et là, c'est un peu pareil. Elle a des occasions au premier set qu'elle n'arrive pas à prendre. Et derrière, elle s'est pas mal frustrée au deuxième et elle a un peu craqué. Et donc, victoire de Yamaguchi, 21-19, 21-12. Et ça t'a pas un peu surpris parce que enfin je te le disais un peu, j'ai employé le mot délivrance quand elle bat Han Yue en quart parce que c'est comme ça vraiment que je l'ai senti et je me suis dit ah mais ok nickel en fait là du coup ça va la libérer et elle va pouvoir jouer libérée contre Yamaguchi mais en fait je sais pas ce que t'en penses mais j'ai eu l'impression qu'elle arrivait pas vraiment à se libérer et qu'il y avait toujours une part de pression. C'est vrai que autant quand elle est arrivée, elle avait vraiment cette insouciance, on la connaissait pas, on avait l'impression qu'elle ressentait aucune pression. Autant là, on commence à le sentir de plus en plus. Et quand elle joue contre des joueuses qui renvoient tout, on va dire comme Yufei ou Yamaguchi, ça se voit plus, je trouve. Une de ses limites. Peut-être. Une de ses limites pour l'instant. Je voudrais bien avoir les mêmes, mais. Voilà, exactement. Exactement, parce que elle, évidemment, elle a tout le temps devant elle. Et, ouais, c'est qu'une histoire de temps avant qu'elle chope une médaille, voire mieux. Intanon qui a battu Chaiwen, sa compatriote, mais qui s'est arrêtée contre Michelle Lee, la canadienne. Michelle Lee qui a fait quand même une grosse semaine, puisque derrière, elle a pas été ridicule contre Chen Yufei. Mais un peu décevant quand même d'Intanon qui sortait d'un Malaysia Masters qu'elle avait gagné. Elle aurait pu, même si je pense pas qu'elle aurait encore une fois battu Chen Yufei, mais elle aurait pu au moins atteindre l'écart, quoi. Ouais, prestation très décevante. Honnêtement, hein, j'ai été surpris parce qu'elle a pas mal arrosé. Une tight swing, pas dans son assiette, même si, attention, Michelle Lee, vraiment, tactiquement, elle a posé beaucoup de problèmes à Intanon. Elle a beaucoup joué sur la lenteur, entre guillemets, des déplacements d'Intanon. Mais je reste quand même persuadé que, je sais pas, j'ai du mal à expliquer pourquoi Intanon a parfois tant voulu chercher le point gagnant alors que c'est pas forcément son jeu. Je sais pas trop, mais parce qu'en fait elle avait fait un bon début de semaine et là vraiment elle sort de nulle part, je trouve, tu vois, cette défaite. Complètement. Pour moi, Chaiwan était beaucoup plus dangereuse au tour d'avant et ouais. Mia Blichfeldt, on va en parler très vite parce que elle c'est toujours compliqué. Après, elle a pas beaucoup joué non plus en ce moment, mais elle perd dès son premier match contre la joueuse vietnamienne Thi Trang Vu. Et tout en bas, on l'a gardé pour la fin, Tai Tsuying. Benoît, toi, j'ai envie de dire, tu espérais plus que tu voyais une médaille mondiale, mais t'avais quand même t'avais quand même toutes les raisons d'y croire parce que ça reste une des meilleures joueuses du circuit. Et pendant longtemps, on l'a bien senti, hein, elle a mis que des tôles pour ses trois premiers matchs. Et malheureusement, le quatrième s'est pas passé contre une joueuse qui, maintenant, commence à devenir un peu sa bête noire tout doucement, Chen Yufei. 15-21, 21-14, 21-18. Et finalement, Benoît, c'est un peu le match que les fans de Tai Tsuying redoutaient. Hein. Une Tai Tsuying beaucoup plus forte au premier set, mais qui, sur la longueur, que ce soit mentalement ou physiquement, n'arrive pas à être assez constante pour battre la chinoise. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que tu as tout bien résumé. Et d'ailleurs, quand tu as dit une des meilleures joueuses du circuit, je dirais la meilleure joueuse du circuit. Et le problème, c'est que c'est pas la meilleure joueuse dans les grands événements. Et que dans les grands événements, en fait, tu peux pas laisser la place au hasard pendant 4-5 points quand tu veux aller chercher une médaille mondiale. Je pense que j'ai lu beaucoup de commentaires qui comparaient à Li Chongwei cette incapacité à gagner dans les grands moments. Et là où je mettrais un bémol, c'est que j'ai jamais trouvé que Li Chongwei avait ces moments qu'à tight swing ou mentalement ça lâche. Non, Li Chongwei, il avait un mec en face qui était encore au-dessus. Tight swing, je pense que elle a ses errances qui font qu'elle ne peut pas gagner. Et je pense que tight swing se le doit plus à elle-même que Li Chongwei se le devait à lui-même. Tu vois? Ben, on en a parlé, on débriefait ensemble le match contre Yufei et c'est complètement ça. Elle se remet à jouer quand elle est menée 7 ou 8 points de match et là elle en enchaîne quelques-uns, mais elle a des trous d'air, c'est quand même assez dingue. Hein. T'as l'impression que, alors je veux pas enlever le mérite à Chen Yufei qui maintenant je pense a trouvé la clé pour la battre, mais t'as un peu l'impression que ça dépend de si Tai Suying va mettre le bouton on ou le bouton off quoi. Ouais, bah c'est exactement dans ce sens là que je le dis, c'est que Li Chongwei c'était pas ça qu'on avait comme impression, et c'est là où je trouve que la comparaison elle est fausse. Alors que Tai Suying c'est, voilà t'as raison, c'est Chen Yufei a trouvé des solutions, c'est pas ça que je remets en question, mais je reste persuadé que ça dépend beaucoup de Tai Suying quand même. Je pense aussi, et j'espère pour elle que ça ne va pas commencer à lui peser. Après, je pense pas que ça lui tienne autant à cœur que Li Chongwei à l'époque. Tai Suying parle toujours plus ou moins d'arrêter sa carrière. Même si elle a pas annoncé rien pour l'instant, on a l'impression qu'elle va pas faire de vieux os dans le badminton. Est-ce que le fait de ne pas avoir gagné un titre majeur, ça la poussera à continuer? J'en suis honnêtement pas certain. Ouais, parce qu'elle a quand même gagné les Jeux d'Asie, enfin bref. On peut débattre de ce genre de truc, mais c'est vrai que je pense qu'elle a pas ce... Je vais pas dire ce mental de winner, parce que c'est pas ça à ce niveau-là, bien sûr que si, long. Mais c'est pas du tout le... Li Chongwei, c'était sa vie. Je suis pas sûr que Tai Suying, ce soit la même chose. Effectivement, c'est là où je te rejoins. Je suis totalement d'accord. Je pense que la comparaison s'arrête au fait que Li Chongwei et Tai Suying, c'est un joueur et une joueuse qui domine la saison régulière, mais qui n'arrive pas à transformer ça en titre majeur, c'est-à-dire JO et mondiaux. Les Françaises de ce tableau, Léonie Sué a passé un tour contre Christine Kuba, la joueuse estonienne. Pour moi, j'avais dit que c'était du 50-50. Et honnêtement, là, ça a plus été du 70-30 pour la Française. Victoire 21-18, 21-16. Et derrière, elle perd contre Zhang Beiwen, la joueuse américaine. Bon, contre Zhang Beiwen, on est surtout déçu qu'elle prenne 8 et 14 plus que qu'elle perde. Mais déjà, elle a passé un tour aux mondiaux. Et j'ai envie de dire, déjà, le tirage était favorable. Mais encore, fallait-il transformer l'essai, j'ai envie de dire. Et là, elle l'a parfaitement fait. Ouais, puis la manière. Léonie Sué, elle a fait un bon match au premier tour. Moi, j'avais clairement dit qu'aucune des deux Françaises ne passerait un tour. Donc, je vais pas faire le genre... je l'avais dit, non. Je m'attendais pas à ce que Léonie Sué... Non, mais je m'attendais pas à ce qu'elle ait ce niveau. Parce que pour moi, Christine Kuba fait quand même... En tout cas, est plutôt constante sur le circuit européen. Et moi, je la voyais bien au-dessus de Léonie Sué. Et j'ai été très surpris par le niveau affiché par Léonie Sué. Après, Zhang Beiwen, c'est encore autre chose. Je pense que là, on est sur un niveau qu'elle a pas, même en jouant très très bien. Mais ouais, franchement, belle surprise, moi, en tout cas, de mon côté. Shishufei, elle ne l'a pas passé le premier tour contre Han Yue, la chinoise, défaite 21-14, 21-15, un peu ce qu'on redoutait finalement. Oui, mais sans être ridicule, Shishufei a, bon après voilà, la mobilité, on peut toujours en discuter, on sait, le genou et tout, mais franchement, elle a fait un bon match, Shishufei, moi je trouve qu'elle a plus essayé que d'habitude ce qu'on peut lui reprocher, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord, malheureusement, ouais, j'y croyais pas trop et il y avait quand même trop d'écart. Eh bien, on va tout de suite passer au double mixte. Oh my goodness! Le double mixte où là aussi, finalement, 4 têtes de série 1 se sont imposées. Cette fois-ci, c'est les Chinois Zheng Wang qui se sont imposés face aux Japonais, aux locaux. Watanabe Higashino, victoire 21-13, 21-16. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé du match? Moi, rapidement, je dirais que Watanabe et Higashino, ils sont encore tombés contre une paire qui fait tout un peu mieux et que malheureusement, ils n'avaient pas les armes, quoi. C'est ça. Ils n'avaient pas les armes. En vrai, je sais pas par où commencer parce que cette paire, sincèrement, quand elle joue à ce niveau-là, j'ai un peu le même débat qu'avec Axelsen, sauf que les autres joueurs sont meilleurs que ceux du simple homme, tu vois, en comparaison. Mais Zeng Wang, oh là là là là là là, le niveau qu'on est en train de voir de Zeng Wang, je sais qu'on est encore jeune, mais de ce qu'on a pu voir dans l'histoire du BAD, on verra en termes de palmarès, mais aujourd'hui, ils viennent d'égaler Zhang Nan, Zhao Yunli, quoi, pour vous dire. C'est monstrueux ce qu'ils sont en train de faire, vraiment. Ouais, c'est assez dingue, hein. 35 victoires consécutives maintenant. Depuis qu'on les a remis ensemble pour les championnats d'Asie, il n'y a plus personne en face. Enfin, en plus, il n'y a plus personne en face, non, parce qu'il y a des grosses paires en face, mais eux sont vraiment monstrueux, ils ont une impression de puissance qui se dégage d'eux, et ouais, je l'avais pas vu venir. C'est leur troisième titre, 2018, 2019, 2022, et franchement, c'est totalement dingue à quel point ils sont forts, parce que là, on parle plus seulement de la finale, mais même de leur semaine, et notamment de leur demi face à leur compatriote Wang Huang, où même si c'est allé en 3-7 et qu'ils ont gagné 21-16, 12-21, 21-10, on a un peu l'impression qu'ils gèrent un peu leur match, et que dès que ça a été important au troisième, ils ont éclaté leurs compatriotes, quoi. Ouais, on reviendra sur leur tour qui a failli faire qu'on n'aurait jamais pu les voir aussi haut, mais contre le troisième set contre Wang Wang, franchement, il est gratuit sur YouTube, je vous le conseille. Honnêtement, non mais vraiment, c'est une leçon de bad face aux champions olympiques. Enfin, c'est le niveau affiché, et on en parlait, on disait Zeng Ziwei et tout, c'est vrai, il est je pense plus fort que tout le monde à l'heure actuelle, mais le boulot que fait Wang Yakyong sur le terrain, enfin, franchement, c'est, moi je trouve ça vraiment impressionnant, et dans cette demi-finale, je trouve que le troisième set, c'est peut-être là où elle a été vraiment le plus mise en valeur. Ouais, non, c'est vrai que Zeng Ziwei, c'est un des joueurs les plus impressionnants, tout tableau confondu, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, mais sa partenaire au Wang Yakyong, il faut en parler, parce que c'est vraiment une joueuse excellente, et de toute façon tu fais pas trois titres mondiaux si t'as une joueuse moyenne devant, et là c'est clairement pas le cas avec cette paire. Benoît, du coup, ouais, les demi ont été très différentes, puisque d'un côté on a eu un match de fou entre Chinois, et de l'autre on a eu un match giga décevant et qui a tourné d'un côté très rapidement. La victoire de Watanabe Higashino contre Lamsus Lo. Je vais parler du parcours des Allemands dans deux minutes, puisqu'ils n'ont pas volé leur place en demi, hein, ils sont allés la chercher. Malheureusement, toi tu l'avais prédit, moi je voulais pas y croire, je pensais que ça allait être plus serré, mais les Japonais les ont vraiment éclatés. Ouais, pour moi c'était, enfin, je veux dire, je veux pas, pour moi il y aurait pas débat en fait, parce que ils avaient pas du tout les armes. Lamsus Zaiden, j'allais dire, pas du tout Lamsus Lo pour embêter ce genre de paire. Pour moi c'était, j'avais dit 5 et 5 en rigolant, tu vois, mais on n'est pas passé loin du compte. Après, il faut pas leur enlever de crédit sur la médaille, elle est méritée, voilà, mais c'est juste que j'étais un peu déçu d'avoir une demi-finale aussi éclatée. Voilà. Lamsus Lo donc s'était frayé un chemin en faisant une des plus grosses surprises de la semaine, hein. Il y en a eu pas mal quand même, des favoris qui ont déçu et qui sont tombés, mais celle de Puavaranukro Teera Tanachai dès leur deuxième match, dès le 8e, je l'avais vraiment pas vu venir. Défaite 21-16, 21-14 contre donc les Allemands. Benoît, même après le match, je l'explique toujours pas en fait. Moi non plus, mais juste pour recontextualiser, je reviens là-dessus après. L'Amfuso, c'est la première médaille de l'Allemagne dans un double championnat du monde dans l'histoire. Leur saison, elle est clairement monstrueuse. Ça sort pas de nulle part. Voilà, faut vraiment quand même se dire ça. Maintenant, cette victoire-là, si elle sort de nulle part, ça, on est d'accord. Très déçu par les tailles en fait. Jamais rentré dans leur match. Alors qu'ils font un premier tour très solide face à une paire pas nulle du tout. Paire vraiment piège, hein. De ouf. En fait, pour moi, s'ils avaient dû perdre dans un match piège, c'était celui-là. Et quand tu le passes, t'imagines pas une seconde qu'ils vont perdre 16 et 14 contre Lamsus Lo en étant, je pense qu'on peut le dire, inexistant. Voilà, donc les Thaïlandais qui cèdent leur titre et de manière, effectivement, très très très décevante, ouais. Tang Tse, qui ont été ceux qui ont été battus par les Allemands au tour d'après, eux aussi ont été décevants, parce que pour moi, eux aussi, ils avaient passé le tour piège, entre guillemets, qui était le tour face aux Singapouriens titrés aux Jeux du Commonwealth et Tan. En plus, ils les ont battus avec la manière, même si je pense que les Singapouriens avaient un peu tout laissé sur le match d'avant. Mais tu vois, c'est un peu la même chose, je sais pas si t'es d'accord, mais Tang Tse, on a l'impression qu'ils avaient fait le plus dur, entre guillemets, et derrière, ils se font cueillir par les Allemands. Mais pour moi, Tang Tse, c'était 3e médaille en 4 éditions. D'ailleurs, je crois, je te l'ai même peut-être dit, genre en mode, ah ben tu vois, Tang Tse, on en parlait l'autre jour, mais ils vont encore faire une médaille. Pour moi, c'était quasi acquis, tu vois. Enfin, je veux dire, ils ont tellement le jeu pour pas se faire embêter par l'Ansus Loo. Sauf qu'en fait, c'est Loo qui a clairement mis la paire entière dans sa poche, quoi. Ouais, elle a très bien joué. C'est vrai que franchement, autant l'Amsus, lui, il était en mode sulfateuse. Il a tout arrosé. Hein. Alors, il en a mis des bons, des volants, des smash, mais il en a mis dans le filet, il en a mis dehors. Autant Loo, elle a été vraiment très très forte sur ce match. Effectivement. Benoît, il va être temps, peut-être avant de retourner un peu vers des favoris après, mais il va être temps de parler des Français. Jikel Delrue, d'habitude, on est toujours content de passer à eux, puisque c'est toujours souvent des bonnes nouvelles, surtout dernièrement où ils ont fait que des quarts quasiment à toutes leurs compétitions, dont une finale. Là, bon, ils passent un tour parce qu'ils sont tête de série, ils en passent un deuxième en battant difficilement Yang Hu, la paire taïwanaise, 10-21, 25-23, 21-16, et derrière, ils jouaient contre Golai, le match quasiment du 50-50, moi je les mettais un peu favoris, peut-être 55-45. Ils perdent le premier 21-16, mais je trouve que 21-16, c'est assez sévère le score, parce qu'ils sont quasiment dedans tout le temps, et ils sont même devant au début. Et derrière, 21-4, c'est vraiment une énorme claque qu'ils ont mangée, parce que quand tu n'es pas blessé ou ce genre de choses, prendre 21-4, c'est quand même assez rare, surtout à ce niveau. Ouais, je suis un peu énervé, je sais pas si c'est le mot. T'as dit ils s'en sortent difficilement face à Yang Hu. Pour moi, c'était un miracle. Ils méritaient même pas de gagner ce match, à mon avis. Parce qu'ils étaient en dessous sur le match, clairement. Ils sauvent un volant de match aussi, je crois. Et tu te dis, bon, ok, ils ont retenu la leçon, là, du coup. Prochain tour, ils vont être bien meilleurs. Sauf qu'ils ont mis 20 points sur le match. Bon, 16 au premier, où je trouve qu'ils doivent faire mieux sur la fin, mais 21-4, je comprends pas du tout pourquoi cette extinction des feux. Peut-être qu'on sait pas tout, qu'il y a gêne physique, que la prépa a été coupée, je sais pas. Il y a peut-être des explications, parce que franchement, si on parle juste du terrain, si ça s'est juste passé sur le terrain, 21-4, face à une paire contre qui, à mon avis, c'est 50-50 ou 45-55, tu l'as bien dit, ça doit jamais arriver. Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils avaient juste pas de solution. T'as l'impression que dans le deuxième, ils avaient tout essayé et que maintenant ils étaient en mode bon bah c'est pas possible. J'ai l'impression que la perte du premier set a été un gros coup sur la tête, et ce qui est surprenant, c'est que Tom Jikel et Delphine Delrue, c'est pas une paire qui nous habitue à craquer comme ça, quoi. Et même sur le premier tour, j'étais surpris, et surtout que Golai, c'est une paire qu'ils ont. Ils les ont battus les deux dernières fois, je crois. Donc c'est, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est bizarre, parce que je pense que c'est une des paires justement du top 15 mondial asiatique contre qui ils sont capables de répéter ces victoires, tu vois. Donc j'ai du mal à l'expliquer, parce que pour moi c'était vraiment Yore, ce fameux quart de finale contre Watanabe Higashino, et on a failli ne même pas les voir gagner un match, tu vois. J'ai du mal à expliquer leur mondiaux. Ouais, non, moi non plus. En tout cas, je pense que eux-mêmes ont été très déçus, hein. Je pense que ça ne fait pas plaisir de prendre en plus une telle claque, mais c'est vrai que ouais, je m'y attendais pas, et j'aurais bien aimé effectivement les voir face à Watanabe Higashino, mais j'espère qu'ils pourront enchaîner. La deuxième paire française, Benoît, Vimala Herio et Fabien Delrue, qui perdent dès le premier tour contre des Japonais, Midorikawa Saito, 21-14, 21-13. Pour le coup, il y a eu un peu de bon, mais ils n'ont pas été mauvais, mais trop faibles par rapport à leurs adversaires qui étaient clairement au-dessus. Ouais, t'as tout dit. Franchement, il y avait peu de paires contre qui ils auraient pu passer un tour. Voilà, faut être honnête, il y en avait peu. Benoît, copie-colle ton message, puisque maintenant je vais te demander de parler de la défaite de Villejetran contre une autre paire japonaise, Yamashita Shinoya, 21-13, 21-17. Moi, j'ai la même chose à dire, c'est qu'ils n'ont pas été mauvais, mais moins forts. Ouais, mais j'en attends plus de Villejetran que de Delrue Herio. C'est clair, surtout que Villejet et Tran ont été bons dans leurs matchs de dos respectifs. Oui, oui, et puis ils sont quand même relativement bons ces derniers mois. ensemble. Mm. Donc après voilà, Yamashita Shinoya, il y a eu médaille mondiale il y a quelques mois maintenant. Maintenant je suis quand même un peu perplexe sur leur niveau et leur capacité à être une paire du top 15 mondial. C'est là où je suis un peu déçu par Ville et Getran. Et oui, et pourtant Yamashita Shinoya, ils ont fait une des premières surprises de tableau de mixte en battant Christiansen Boyeux dès le deuxième tour, 21-13, 21-18. Alors, il faut tempérer, puisque il me semble que tu me disais que Christiansen s'est blessé pendant la prépa, mais quand même pas très glorieux pour les Danois qui étaient tête de série. Ouais, pas glorieux, mais j'ai l'impression qu'ils sont venus pour en se disant on va essayer, mais tu vois, leur forfait au Japan la semaine prochaine. Le message de Boyeux sur les réseaux sociaux, bon, on a compris qu'ils n'étaient pas dans des conditions optimales. Et du coup, ça a un peu expliqué ce que j'avais du mal à comprendre sur le match, parce que je pense que leur forme actuelle est quand même, enfin en tout cas leur forme avant la prépa était quand même plutôt pas dégueu, et je m'attendais à les voir. Franchement, ils avaient une partie de tableau où Tanlai, ils étaient à mon avis quasi favoris, où c'était 50-50, tu vois. Oui, c'est ça, Tanlai finalement qui ont fait le taf, hein, qui ont gagné deux matchs faciles avant de perdre face à Zheng Wang. Voilà, Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le mix? Je pense qu'on n'a rien oublié. Les Silbermann qui ont quand même passé un tour hein, dans cette partie de tableau. Oui, je voulais en parler. C'est vrai, et il y a eu record. Svetlana Silbermann qui a battu le record de la personne la plus âgée à passer un tour sur des mondiaux, puisque il me semble qu'elle a, je vérifie en même temps, mais il me semble qu'elle a plus de 60 ans, et ils ont gagné un match de mixte, en plus avec son fils, donc c'est quand même marrant qu'ils jouent mère et fils, donc c'est assez marrant, mais ouais, du coup, petit record, ils ont battu Elgamal Ani, la paire égyptienne. Et oui, sinon je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y avait Matthew Fogarty aussi dans les anciens, l'américain qui lui aussi a plus de 60 ans, mais il a perdu au premier tour, donc malheureusement pas d'exploit. Et oui, ce dont je voulais parler, que j'ai oublié tout à l'heure, c'est Seo Chae. Qu'est-ce que t'as pensé de leur performance aux Coréens? Moi, je pensais qu'ils auraient pu faire un peu mieux en quart contre Wang Huang, défaite 21-16, 21-15. Je les voyais pas forcément gagner, mais je les voyais au moins être plus dangereux. Ouais, pareil. Et pourtant, ils ont été bons. En fait, c'est ça qui est paradoxal. Moi, je les ai trouvés bons et en même temps, tellement sans la moindre solution pour faire mieux. Genre, vraiment, il n'y a pas un moment où je me suis dit, vraiment, ils étaient muselés. Ils pouvaient rien faire. Vraiment, franchement, ils les tenaient en laisse, Wang Wang. Et pourtant, ils étaient bons, hein, c'est Oshae. Je les ai pas trouvés mauvais, mais incapables de faire mieux que ça, quoi. Pourtant, je les voyais pareil que toi, hein. Capable. Je sentais qu'il pouvait se passer un truc dans cette partie de tableau. Et Wang Wang, ils ont été archi solides dans ce match. Benoît, fini sur le mixte. Là, comme ça, je reparcours le tableau une dernière fois pour être sûr, mais oui. Benoît, donc on va bientôt conclure. Qu'est-ce que tu retiendras de ces mondiaux? Alors là, c'est à chaud puisqu'on enregistre le jour des finales, mais est-ce que tu en tires un bilan plutôt positif, plutôt négatif? On sait que c'est des mondiaux différents des derniers, puisque les derniers, ils avaient été dans un enchaînement de tournois où les joueurs étaient un peu rincés, donc il y avait eu un peu des surprises. Là, on va dire que, à part en double homme où la victoire de Chiasso est une surprise, la logique a quand même repris ses droits dans pas mal de tableaux. Moi, le temps que tu réfléchisses, moi, à la fois, j'ai vu beaucoup de beaux matchs. Enfin, j'ai bien aimé suivre ces mondiaux, c'était sympa. Mais j'ai pas vu beaucoup de matchs incroyables par rapport à ce que je m'attendais à avoir. J'ai vu des beaux matchs, la plupart en simple dame et en double dame, on va pas se mentir, et un peu en double mix. Mais je garde un petit goût amer sur certains tableaux, notamment ceux que je n'ai pas cités à l'instant, c'est-à-dire le simple homme ou le double homme, où j'ai l'impression que, on en a déjà parlé un peu, mais que le niveau, il est pas dingue. Il y a encore trop de favoris qui déçoivent, ou alors qui reviennent de blessures, ou alors qui n'ont pas de rythme. Et donc je pense que ces mondiaux ont été très sympas, mais pas les plus marquants que j'ai pu suivre. Bah, c'est exactement, en fait, t'as dit tout ce que je voulais dire, et j'allais même te lancer sur une question à laquelle tu as déjà répondu. J'allais te demander, est-ce qu'il y a un match historique dont tu te souviendras? Et je pense que je vais même faire pire que ça. Je vais dire, est-ce qu'il y a un match historique dont tu te souviendras en 2022 ou en 2021 sur les mondiaux? Eh ben finalement pas vraiment, parce que là en tout cas là ce que j'ai en tête, les moments marquants, il y a quand même la remontée de Xu Qianshen contre Christy, parce que quand tu sauves 5 volants de match, c'est assez impressionnant. Même chose pour Marine contre Ebing Xiao. Mais sinon j'avoue que je sais pas ce que j'en retiendrai de ces mondiaux, à part Axel Sen qui a mis des tôles à tout le monde. Yamaguchi qui a gardé son titre, finalement il y a deux tableaux où le titre a été gardé, et finalement il y a que il y a que Chiasso en double homme qui n'avait jamais été champion du monde, puisque Axel Sen avait déjà un titre en 2017, Yamaguchi a conservé le sien, Chenji en avait déjà deux, Zeng Wang en avait déjà deux. Donc finalement c'est dans la plupart des tableaux les meilleurs qui ont gagné. Mais je veux pas finir sur une note négative, mais c'est vrai que quand on fera notre bilan de l'année en décembre, on verra, je vous donne rendez-vous dans 6 mois pour voir ce que s'en souviendra de ces mondiaux, et moi je prédis pas des masses. Bah ouais, écoute, j'ai la même analyse, et c'est vrai qu'on pourra parler du titre de Loki New l'année dernière, ou de Chiasso, parce que c'est des historiques pour leur pays, tu vois, mais ça reste que... Quand tu m'as demandé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais retenir? Alors oui, Axel Sen est trop fort, oui, Zeng Wang, ils sont trop forts, mais Zeng Wang, moi, ce dont je me souviens, c'est leur titre en 2019 ou 2018, où vraiment, c'est une humiliation pour les Thaïs, tu vois, ça, je vais m'en souvenir. Sur 2021-2022, oui, j'ai vu des bons matchs, mais est-ce que j'ai vu des matchs historiques? Ben, j'en suis pas convaincu, et j'ai quand même l'impression que depuis les Mondiaux 2019, donc du coup, sur les deux dernières éditions, ben, c'est un peu le même constat, peut-être parce qu'il y a une baisse générale du niveau sur certains tableaux aussi, j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est vrai que je pense que dans 10 ans, je me souviendrai peut-être de certains matchs de 2019, mais pas des mondiaux 2021 ou 2022. Ouais, toi tu dis 10 ans, moi je dis 6 mois, je suis encore plus sévère, hein. Donc on verra, je veux pas, voilà, on verra, mais c'est vrai qu'il y a peu de matchs qui vont marquer, même si j'ai passé un très bon moment, et c'est vrai que je voulais le préciser, je l'ai oublié de le dire en double homme, Chiasso c'est historique à plus d'un titre, puisque c'est la première médaille d'or pour la Malaisie, tout tableau confondu, et ça c'est assez fou quand tu vois qu'il y a quand même des... Il y a Kutan qui sont passés, il y a évidemment Li Chongwei, il y a eu des tableaux où ils ont été monstrueux. Aucune médaille d'or jusqu'à maintenant, donc je pense que c'est ça que je retiendrai finalement peut-être le plus, et la presque victoire de Hassan Setiawan. Benoît, j'ai quand même malgré tout passé une super semaine à regarder ces mondiaux, à les débriefer avec toi par message, et maintenant en live dans cet épisode. Donc merci d'y avoir participé. Ben, merci à toi Ewan, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. Voilà, épisode un peu long, mais j'espère que vous comprendrez que ça... Enfin, j'espère que vous voilà, serez d'accord avec nous que ça en valait la peine, puisque bah, des mondiaux, ça reste quand même la compétition majeure de l'année. On se donne rendez-vous au niveau des mondiaux l'année prochaine, en 2023 à Copenhague, me semble-t-il, et 2025 à Paris. Donc voilà, deux en Europe, donc ça veut dire rythme de sommeil un peu plus préservé. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, puisque toutes les stars de ce Japan Open de ces mondiaux vont rester justement pour le Japan Open, ils vont rester au Japon. Mais entre deux, on sera sûrement dans la semaine resté à l'écoute un petit épisode sur les championnats d'Europe junior, puisque Benoît en a parlé, ça avait lieu dans le même temps, et il y a eu des belles performances françaises, donc on va en parler un petit peu aussi. Donc je vous souhaite des bonnes fins de vacances. Là, je pense que c'est vraiment quasiment terminé pour tout le monde. Une bonne rentrée pour ceux dont c'est le cas. Merci encore de nous écouter. À la prochaine.手中，绝不能碰。你是否在经历这平凡的手？